c'est fou ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On est mardi, et mardi, c'est la journée du trop de contenu. On a Maxime Mimler-Ramin, Stéphanie Gagné et Émilie Gauthier. Où ça? Assemblage requis sur C'est fou! Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 9 novembre 2010. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. C'est lui que vous entendiez, parce que là, il ne parle plus. C'était Mathieu Plante. Est-ce que tu veux que j'arrête complètement de parler? Ben non, voyons donc. Je vais arrêter de parler. Arrête donc. Ah non, comme sinon, ça va être plate. On verra. Check, ça commence déjà. Bon, écoute... T'arrêtes déjà le silence inconfortable. Caroline, t'es pas un soldat. Je suis pas un soldat. Un soldat de silence. Non, grosse journée aujourd'hui. On reçoit Maxime Lemieux, l'armée, avec sa chronique qu'on télécharge. Quoi? Oui, aujourd'hui, il va nous parler... J'ai des artistes qui vont nous mentionner, mais juste, je vous donne des avant-goûts. Là. Je vous dirai pas tout, là. Mais il y a du Of Montreal là-dedans. OK. Puis il y a quelque chose qui s'appelle Out Dress Well. Out Dress Well. Out Dress Well. Comment bien s'habiller. Chronique mode avec Maxime aujourd'hui. Vers les 8h. Ouais, c'est ça, vers les 8h. D'ici là, à 7h30, on va voir Stéphanie Gagné avec son plat favori. On sait pas de quoi elle nous parle du tout aujourd'hui. J'ai vraiment aucune idée. D'habitude, j'ai tout le temps un petit quelque chose. Il me semble qu'elle pourrait peut-être nous parler de ça. Ouais. Non, mais ça arrive. Ben, même quand tu le sais, à la limite, tu ne fais rien. Oui, ben oui. Fait qu'à la limite, là, tu pourrais le savoir, mais tu ne le dis pas. C'est ça, mais je vous cache des affaires, moi. Par contre, je vous cacherai pas que moi aussi, j'en ai un comme par la bande. Moi, quand elle me fait son plat favori, je fais mon dessert de Mathieu. Et puis, je vais peut-être parler de OK Go. Peut-être. Quelque chose de nouveau sur OK Go. Peut-être. On en parlera tout à l'heure. On a aussi Émilie Gauthier qui nous parle de plein air, comme à chaque semaine. Et là, elle nous a préparé une autre recette à base de plein air. C'est-à-dire... À base de plein air. Il y a des épices et de la viande là-dedans. Boisé du séminaire. Parc de Lance du Port, Parc écologique Godefroy et Parc linéaire de Le Petit Déchaillon, Barre-Oblique-Parisville. Barre-Oblique-Parisville? Barre-Oblique-Parisville. Parisville, OK. Barre-Oblique. Barre-Oblique. Très important, la Barre-Oblique. Vers l'avant. Parisville. Celle qui est penchée par la droite. oui, ben oui. Parce qu'il y a des barres obliques inversées qui sont vers la gauche. Là, si je te fais gauche en mouvement de main à la radio, sur l'écran de votre radio, elle va être à l'envers parce que moi, je la fais de mon côté, mais toi, elle va être du mauvais bord. C'est ça l'affaire avec les barres obliques. Oui, comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Hein? Ça fait un X. C'est de la bonne radio. Tout ça. On aime ça. Ah, c'est fou. Oui, c'est fou. Votre radio campus, ici même à Trois-Rivières. Alors, on va commencer l'émission en musique, comme on le fait toujours. Tard, tu vas nous faire entendre du Lady Sovereign. Oui, avec la pièce Jigsaw. On commence avec Rara Riot. Voici Too Dramatic au 89.1. Thank you. your puzzle, pick it up and fix it for me. Can you figure it out? Figure it out. My heart is like a jigsaw puzzle, pick it up and fix it for me. Are you listening now? Listening now. Sovereign avec la pièce Jigsaw. C'est bon ça, c'est britannique quoi. Oui. Mais ces pièces sont pas toutes bonnes là. non, mais sérieusement. Faites-vous pas trop d'idées, mettez pas à bord trop haut. Ben, ça ressemble à ça, c'est pas mal la meilleure là, okay. En fait, de l'album parce que. Et puis l'album ne ressemble pas à cette pièce. Ah, c'est pas représentatif. Et quoi. Même si l'album a le même nom, soit Jigsaw. Jigsaw, comme Jigsaw. Dans le film là, Décadence là. Jigsaw. Le méchant. Peut-être. Oui, ouais. Du monde, genre. J'ai vu le dernier Décadence. Non. C'est quoi? C'est le 14e, genre? Je sais pas. C'est ça, moi aussi, j'ai comme arrêté, je pense, au 2e ou au 3e. J'ai préféré ne pas commencer, en fait. Non, mais ça m'intéresse. Non, mais je veux les voir, vraiment. C'est le genre de film que je me dis, c'est assez tordu pour m'intriguer. Ah non, mais. Après, je regarde seul, puis ça me tente pas. Non, mais la première fois que tu regardes, là, crime, c'est agréable, là. Ah, ouais? Oh, oui, le deuxième, comme c'est pas tout le temps la même. Ouais. À la même épice, si on veut, mais... Différentes façons de tuer une personne ou plusieurs. Ouais, mais il y a des trucs, c'est vraiment tordu, mais ouais. Tu sais, sinon, ça revient au même... Ouais. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. On est à quelques minutes à peine de la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné, mais avant ça... Avant ça, on va parler de ce qui se passe ici même... À l'UQTR. On the campus. On the campus. Et on commence ça, en fait, aujourd'hui, le 9. Il y a une formation, portail de cours, qui a lieu à 9h au local 2230 pavillon Albert-Tessier. Ça, c'est à la bibliothèque. Et c'est gratuit. Le portail de cours permet aux enseignants de rassembler en un seul lieu tous les outils nécessaires à leur enseignement. et de gérer leur échange. Donc, c'est pour, en fait, les étudiants, les participants, auront l'occasion d'expérimenter toutes les fonctionnalités de l'outil. Parce qu'on sait que, des fois, il y a des outils qui sont mis à la disposition des étudiants. Et puis, ils ne sont pas exploités, mais vraiment pas à 100%. Donc, ça, je pense que ça en fait partie. Donc, il y a une formation, c'est ça, 9h, au local 2230 Pavillon Albertici. C'est à la bibliothèque et c'est gratuit. Ouais. Il y a aussi Voyage Campus sur le campus. Et ça, ça se déroule demain entre 10h et 15h. En fait, c'est un kiosque au K5. Ça, en fait, c'est je pense que c'est pas loin du local 2098 Pavillon Ringuet. C'est un représentant de Voyage Campus. Il se représente, donc il va pouvoir... organiser peut-être des voyages en groupe, mettons, pour le spring break ou des affaires comme ça. Oh, ouais, ce truc-là. Donc, allez voir ça. Ça va se dérouler demain. Il va tenir un kiosque ici même. Et puis, le 11 novembre, ça nous ramène jeudi. C'est bien ça? Ouais, ça. Ouais. À 15h30, local 1052, pavillon Michel Sarrazin, c'est gratuit. C'est un atelier sur l'amour de soi, parce qu'on sait que de nos jours, c'est difficile d'éviter le piège de l'image idéale et puis de s'aimer, bref, de s'accepter. Je pense que c'est un travail de tous les jours, en fait. Même si des jours, on échoue lamentablement, mais bon, écoute, ça fait partie de la vie. Et puis, je pense que tout le monde, c'est un bon exercice pour beaucoup de gens. Tout à fait. Puis le contraire serait vrai aussi, ceux qui s'aiment trop. Genre les égocentriques, t'apportes un bon point, mais je pense que, écoute, je suis pas, je suis loin d'être un psychologue, etc., mais j'imagine que les gens qui s'aiment trop, c'est pour, ça cache quelque chose. Ouais, ça comble quelque chose, tout à fait. Je sais pas, c'est louche, là. Ceux qui pilent sur les autres pour se remonter, ce genre de choses-là. Ouais. Ils ont un problème. Ouais, aussi. Mais c'est comme aussi des gens qui s'aiment pas du tout, tu sais, parce qu'ils... Si on veut pas, on s'aime un peu parce qu'on est ce qu'on est. Ouais, il faut s'accepter, il faut s'assumer dans c'est la ça, vie. C'est ça, exactement. Donc, un atelier, en fait, c'est fort intéressant. Ouais. L'inscription requise, vous pouvez visiter le site www.uqtr.ca/, là, dépendant vers l'avant. Vers l'avant. S-A-E, Présunion Psycho. P-S-Y-C-H-O. uqtr.ca/SAE, Présunion Psycho. C'est ça, exactement. Ah. Et puis c'est gratuit, ça va se dérouler jeudi. Et puis vendredi le 12 pour une action concertée à l'international. Ça se passe entre 8h, de 8h à 16h40 à l'atrium Paul-Émile Bourdois. En fait, c'est au 1090 Pavillon Ringuet. C'est la table régionale de l'éducation de la Mauricie vous invite à son colloque pour une action concertée à l'international le 12 novembre prochain à l'atrium ici même ou à l'UQTR. Donc, ça fait partie un peu de ce qui se passe. Le reste, je veux pas trop en parler non plus. Là. On en parlera plus près des dates. Ouais, c'est ça, exactement. À ce moment-là. Exactement. Ben, merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Assemblage requis continue pour 1h30 encore. Là, il est 7h28 du matin. Du matin, c'est de bonne heure. Hey, aujourd'hui, grosse journée. C'est sûr que l'assemblage requis le mardi est une grosse journée. Ouais. Mais grosse journée pour toi, Mathieu. Oui. Grosse journée pour moi aussi. Dans le sens où Call of Duty sort aujourd'hui. Je pense que le Vidéotron était ouvert jusqu'à minuit pour les fans. Mais sachez qu'à 7h, mesdames et messieurs, je dors. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah ouais, donc, quand est-ce que tu vas y aller de te procurer? Là? C'est après l'émission? Non, mais non. En cours d'émission. Tu peux faire un crush parce que t'as des commissions à faire tantôt. Crush, wink! Ça se peut. Ça se peut que je fasse ça, mais sais-tu quoi? Je pense que je vais essayer de résister et de pas l'ouvrir avant jeudi. Ah, pourquoi? Alors, c'est ton congé qui commence jeudi, quoi? Non, mais jeudi, c'est parce que le vendredi, je peux me lever plus tard. Ouais. Ah. Et puis, je sais que, de toute façon, mon inscription à Xbox Live s'est terminée la semaine dernière. Tu ne l'as pas renouvelé pour Black Ops? Je ne l'ai pas renouvelé encore pour Black Ops. Mais... ça va se faire. Ça va se faire. Avec l'aide d'amis. C'est ça, exactement. My help, my friend. La chanson des... Ouais. Mais c'est pour ça, je me dis, tant qu'à commencer, je pourrais commencer jeudi tout en même temps. Ouais. En plus que la fin de semaine, Et là, ça tombe mal. Ma soeur décède, en fait. Ah, Colin, ça tombe toujours mal, ces affaires-là. Pas que je veux pas l'avoir, mais c'est que je veux jouer. T'es pas Black Ops. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas Black Ops. est-ce que tu vas t'acheter l'édition avec la petite auto téléguidée? Introuvable, introuvable. Et ici même, dans une boutique, là, je n'aimerais pas, ici à Trois-Rivières, c'était liquidé, et ce, depuis juin. Wow, wow, juin. Juin. Okay. On va rappeler aux gens, le kit, c'est un petit auto avec une caméra dessus. Auto, caméra dessus, que ça, en fait, tu vois ce que le bolide voit sur la manette. Et puis, t'as le son, même. C'est incroyable. C'est incroyable, pour vrai. Ça va jusqu'à 200 pieds. J'en avais parlé un peu. Faites-le. Comment ça s'appelle, c'est le Black Ops? Special Edition. Special Edition. Combien ça vaut? 150. Incroyable. Incroyable. 150$. C'est super beau. Avec le jeu, là, t'as le bolide guidé, t'avais un petit insigne aussi. Et puis t'avais un avatar DVD, aussi. Non, quelque chose? T'as pas un petit DVD de documentaire, quelque chose? Ah, je sais pas, là, par exemple. Je sais pas. Mais t'as un habit aussi pour ton avatar. Dans les Xbox Live, là, pour ceux qui se connaissent un peu, un bonhomme qui se représente. Donc, on peut le vêtir à l'effigie de Black Ops. Eh ben, quel. Bref, il sort aujourd'hui. Donc, si vous ne l'avez pas déjà. Ouais. Et même chose pour moi aujourd'hui, c'est aussi une grosse journée. J'en parle fréquemment. Scott Pilgrim, qui est le film de la génération des geeks en ce moment. Si vous n'avez pas vu Scott Pilgrim et que vous vous considérez geek, vous avez manqué quelque chose au cinéma, c'est clair. Et là, vous avez la chance de vous rattraper avec l'édition DVD. Et l'édition Blu-ray Combo. Et là, le Blu-ray Combo, ce qui est spécial, c'est qu'il inclut le DVD, le Blu-ray, une copie numérique que vous allez pouvoir mettre sur votre ordinateur. Et il y a seulement dans le combo qu'il y a comme la tonne d'extra de documentaires. Il y a des heures et des heures et des heures de documentaires, des featurettes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est seulement dans la version combo. Dans la version DVD seulement, ils ont vraiment mis presque pas d'extra pour vous donner genre aucune raison de l'acheter. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Donc, vous allez payer comme le double du prix peut-être, là, si vous êtes vraiment fan. Moi, j'irais pour la version combo. C'est un petit conseil comme ça. Toi, tu l'as commandé sur Internet. C'est ça, je l'ai précommandé parce que sur Amazon, il y avait un rabais là, de la mort. Là. Je me rappelle pas exactement c'était combien. Sauver une coupe d'argent. Ouais, c'est une bonne vingtaine, là, je pense, de dollars. Ça a bien de l'allure. Est-ce que je sais si oui? OK, ça vaut 47$, je l'ai payé 30. Ça vaut donc 16$, 17$ d'économie. Ça a bien de la loupe. Crème, hein? Et c'est un très, très bon film. Là. Si vous considérez Geek, c'est un must pour au moins la prochaine décennie, je pense. Toi, t'as acheté ça sur Amazon.ca? Oui, exact. Oui. Tu payes des taxes? Oui, il y a des taxes, sauf que ils ont changé le nombre de dollars avant les taxes pour avoir du shipping gratuit. C'est rendu 25$ et plus, t'as le shipping gratuit. Avant, c'était comme 30-quelques$ ou quelque chose comme ça. Mais à partir de 25$, maintenant, plus de shipping du tout. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Oh, ça va. Amazon.ca, sérieusement, c'est la place là, en ce moment. Là. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Nulle part ailleurs. Attendez, au pire, le shipping est tellement gratuit. Attendez quelques petits jours, puis là, vous sauvez 17$ sur un Blu-ray. Je pense que tu peux pas demander bien mieux. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis juste le fait de pas se déplacer, de pas. Parce que là, la folie des temps des fêtes commence là, tranquillement dans les centres d'achat. Même que je pense que le Père Noël arrive fin de semaine prochaine. Au centre d'achat, oh non. Ben, je pense que j'ai vu ça à TV. Hier, où est-ce qu'on est allé hier? En tout cas, bref, il y avait de la musique de Noël qui commençait déjà à jouer dans un magasin quelconque. Là. Oh. Ouais. Ça, c'est une bonne raison pour être violent. Ouais. Hey boy. Bref, voilà pour ça, nos achats de la journée. Il y en a plein d'autres, là, puis plein d'autres affaires à faire cette semaine. C'est comme la grosse semaine. Je sais pas pourquoi tout le monde met ces affaires-là. C'était Conan hier, c'est la première de Conan. J'en parlais tantôt. Ouais, mais tu l'as pas vu. Avec Steph. Non, je l'ai pas vu. On va le voir ce soir. C'est ça, je vais le voir ce soir, mais je me suis gâté sur quelques petits extraits. Et je vous en parlerai tout à l'heure dans ton plat favori. Ça vous donne un petit indice de ce que je vais vous dire aussi là-dedans. Pour l'instant, on va entendre Valès Pariétaire. Hier, on écoutait la pièce Ta dépendance de leur maxi Canicule et Ours Polaire. On a enfin gravé leur maxi. Hein? Il est sorti cet été, le maxi, sur internet, valespariétaire.com. Valès Pariétaire, pour ceux qui les connaissent pas, c'est ceux qui font toutes les pièces musicales que vous entendez en fond ici à Assemblage Requis. Ceux qui ont écrit et composé et chanté la chanson thème d'Assemblage Requis aussi. Donc, c'est nos amis et on les adore. Leur premier CD est encore disponible en téléchargement gratuit. Un album complet. La mer était vide. Donc, leur maxi, lui, qui est sorti cet été, comprend 6 pièces. On a écouté Ta dépendance hier. Aujourd'hui, on écoute la deuxième. Voici Le reflet à Assemblage Requis. Ah, c'est fou, 89.5. We'll be right back. Spéciale, c'est fou. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou! Il est tellement en train de commander son affaire que son micro était comme à 2 km. Puis là, il est pas là pendant tout parce qu'il est sur Amazon.ca. Ouais, exactement. Je l'ai trouvé mon Prestige Édition. Puis il est en stock en plus. Il est dans aucun magasin. Hey, mais boy. Ça va pas bien. Il l'avait plus depuis juin. Il se même dans une boutique. Et puis. On parle de Call of Duty Black Ops pour ceux qui n'étaient pas là avant la pause. Waouh! Hein? Waouh! Je veux plus jamais faire la radio. Je veux juste jouer à ça. Je te comprends tellement. Ah, ben ouais. Tu sais, j'haïs ce genre de jeu-là. Je suis pas capable de jouer à ça. Mais je comprends tellement. Ce qu'il ressent, parce que je le sens pour tellement de choses dans ma vie. Hey, avec une auto téléguidée, que je vais voir ce qu'elle va voir, puis je vais entendre ce qu'elle va entendre. T'imagines comment ça sert absolument à rien, mais comment ça crée tant de plaisir. C'est comme si je mettais ma tête sur des roues. Et la télé... non, mais comme dans le dessin animé de John Callahan. C'est comme ça que je me sens. Quads. Tu te rappelles-tu Quads? Il y avait un gars, c'était une tête sur un... planche avec des roulettes, non? Kenny, c'était un buste, par exemple. Ouais, il y avait un corps, lui, par exemple. Ouais, il y avait deux bras et il voyageait. Là, c'était juste une tête encore pire. Ah. Kenny était cool. Oui. Kenny, G-Nonstop, comme dirait Radio-Radio. On va accueillir Stéphanie Gagné avec toutes ses références. Elle les comprend, elle, parce qu'elle est, elle est ce qu'elle est. C'est ton plat favori. Comment parler le plus possible de choses que personne ne comprend? Hein, Stéphanie? Moi, je peux pas comprendre les jeux vidéo, non. Non, mais Quads, le dessin animé, ça, tu connaissais ça? Non. À Télétoon, non? Non. Colin. Télétoon. Moi, j'étais une tête carrée, j'écoutais pas Télétoon. T'écoutais Télétoon, la version en anglais, non? J'écoutais YTV. Ah, oui. Ça, il y avait des bonnes émissions là-dessus. Pas le temps. Radioactive, c'était comme la version canadienne-anglaise de Radio Enfer. Ah, écrit ou non? Par les mêmes créateurs et la même équipe. Ouais, c'est vrai. Je pensais que. C'est vrai. Tu savais ça? C'est vrai. Bon. Je pensais que c'est une création originale québécoise. Ben oui, mais en premier et ensuite, ça a été fait en anglais, mais pas avec le même genre de personnage. Bref, Stéphanie Gagné, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Avant de parler de mon plat favori, tantôt, vous avez parlé de Jigsaw. Oui, Jigsaw. Puis je suis allé le voir en fait, semaine. Le film? Oui. Décadence? Oui. C'était la première fois que je voyais un film en 3D, là, puis c'est quelque chose. Hein, on recevait du sang en face. Pour ce genre de film-là, le 3D, ça pourrait être bien. Par exemple, recevoir du sang, comme tu dis, c'est pas pire, ça fait peur, ça. Oui. Ouais, quand même. Mais je suppose que le 3D est plus effectif quand c'est un film action avec des chars qui sautent puis tout le kit. Là. Je sais pas, mais t'as-tu vraiment aimé ça, le 3D? Moi, j'ai été voir Avatar en 3D, et puis écoute, je pense que juste au début, j'ai remarqué le 3D, mais après... Ben, moi, je l'ai quand même remarqué souvent. C'est sûr qu'il n'y a pas toutes les scènes qui sont en 3D, là. Mais tu sais, tu reçois du sang, il y a une... Mais ça fonctionne bien? T'as vraiment l'impression de recevoir du sang? Ouais. Vraiment. Puis à un moment donné, c'est comme dans tout bon film, mettons, d'horreur ou de suspense, il y a de la boucane partout. Là, j'avais vraiment l'impression que c'était dans le cinéma, qu'il y avait de la boucane devant moi, là. Que c'était pas dans le film. Ouais, ça, c'est cool. C'était vraiment bien fait, là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ben, moi, j'avais été un peu déçu. De par ça, un moment donné, même pendant le film Avatar, j'ai enlevé mes lunettes. Il n'y avait aucune différence. Ah ouais. Ouais, ça dépend des scènes. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas eu mal de tête après, par exemple. Ah, t'as eu mal à la tête? Ouais, j'ai eu vraiment mal à la tête après. Tu sais, j'ai jamais utilisé ça, les lunettes 3D, à part ceux qui étaient bleus et rouges. Puis qu'on voit pas grand chose. Mais non, c'était pas trippant. Mais j'ai bien aimé. Moi, je suis allé voir tous les films de Calance au cinéma. Puis j'aime bien ça. C'est complètement fou. Et là, c'est le dernier. Fait que... Ah oui, c'est le dernier. Écrément, série de même. C'est bien trop court, là. Hey, comment est-ce qu'il y en a? 7. 7? Okay, t'étais pas loin, man. Tu pensais que c'était une blague, mais... C'est un méga 7, hein? C'est un 7 comme un emballage. Hein. Ah, mais ils l'ont dit dès le début qu'il y en avait 7. Ah, oui, mais hey, attends un peu, là. Ça aurait pas fonctionné. Il n'y en aurait pas fait 7. Il y a ça. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, ça fonctionne. Ouais, non, ça fonctionne bien. Mais au début, moi aussi, j'ai comme vraiment apprécié le premier. Le premier. Je trouvais ça très cool. Parce que le premier, il se concentre un peu moins sur le dégueulasse. Il se concentre plus sur le psychologique d'être enfermé à quelque part puis virer fou, là. Ouais. Puis tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas où ça veut mener, tu sais pas. Ah, puis à la fin, mon Dieu. Hey, je pense que j'ai parlé de ça pendant 2 semaines quand j'ai vu le premier. J'en revenais tellement pas comment c'était intelligent. Casse pas de punch, là. Non, ça, je le dis pas, mais c'est trop brillant. Tu sais, le gars, là, il aurait pu être un meurtrier, mais à la place, il a fait des films. Mais il aurait pu être meurtrier, c'est trop intelligent. T'sais. Ouais. Bref, moi, ça me trouble. Ouais, ben ça me fait penser à ton sujet de la semaine passée avec Dexter. Ouais. Un petit peu. Mais tout ça pour dire qu'après 5 minutes, on embarque dans ton sujet de la semaine, c'est quoi? C'est Don Diablo, qui est un artiste, musicien, DJ, toute la kit. Il vient d'Amsterdam. Danseur? Non, il danse pas? Non, je penserais pas, peut-être dans ses temps libres. Ça a pu. Mais c'est ça, il vient d'Amsterdam. Puis quand je me suis informée sur lui, là, j'ai vraiment capoté parce qu'il fait vraiment gros du stock. Là. Auteur, compositeur, interprète, il produit sa propre musique. Il fait aussi des remixes et de la production pour d'autres artistes. Il a aussi animé un talk show à radio dans son pays. Il fait de la musique pour des films, des publicités. Il a aussi 2 étiquettes à lui. Très cool. Il part des artistes. Il dirige ses propres vidéoclips. Puis c'est ça, il est vraiment super populaire en Europe. Et il a participé avec le groupe Dragonette, qu'on connaît bien, qui vient de Toronto, si je ne me trompe pas. Un groupe New Wave, Electropop. Ils ont 2 EP, Dragonette en 2005 et Mixin' to Thrill en 2010, qui est des remixes de Fixin' to Thrill en 2009. Il y avait aussi leur premier album, Galore, en 2007. Et on connaît surtout Dragonette pour la pièce I Get Around du premier album. Un méga hit de nos palmarès. C'est très relatif, mais ça paraît. Ouais. Très bonne pièce. Puis, à vrai dire, la pièce que je vais vous faire écouter, je sais même pas où est-ce que je l'ai entendue, où est-ce que je l'ai trouvée. Mais je me rappelle, je l'ai écrit sur mon ordinateur pour m'en rappeler de le mettre dans un plat favori. Puis, je sais pas comment je l'ai découvert. Je m'en rappelle plus. Gros hasard. Alors, c'est ça, c'est Don Diablo avec Dragonette et la pièce, c'est Animal, avec un E. Animal, des yeux de métal. Non. Wow! Hop. Wow! Malaise. Don Diablo avec Animal, qui est une participation avec Dragonette, le groupe canadien. Pas mal bon, ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça quand je l'ai entendu. Pas mal meilleur que d'autres affaires que tu nous as fait entendre hors onde. Hein? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. T'écoutes pas juste des bonnes affaires. Ah, c'est câlin. Non, mais c'est ça, il faut être ouvert à l'esprit, mais tu sais, à un moment donné, ouvre pas trop grand parce que là, tu vas pogner des bébites, là. Hein, si t'ouvres trop grand ton esprit, c'est là, la mauvaise musique rentre, puis là, tu sais plus quand t'arrêter. J'ai beaucoup de mauvaise musique sur mon iPod. Ah ouais. Je suis consciente que c'est pas bon. T'as le droit. Mais en autant que tu le saches. T'sais. Avant que tu fasses ton mon dessert. Mais coule pas. Non. Ça sonnait comme ça. Non. Avant que tu fasses ton dessert, je veux aussi parler de quelque chose. J'ai pas parlé durant les spectacles hier, mais ce soir, salle Louis-Philippe Poisson, c'est la Ligue d'improvisation mauricienne qui commence. La semaine passée, il y a comme eu une petite soirée d'impro, mais c'était pas vraiment dans... c'était pas une équipe contre une autre officiellement. Là. C'est comme mais un avant-match, genre. Ouais, c'est ça. Pour donner un petit avant-goût. Donc, c'est ce soir que ça commence. Et moi, ça fait très, très, très longtemps que je peux aller là. Mais quand j'étais au cégep, là, c'était mon petit classique du dimanche. Là. J'allais tout le temps voir l'impro au Maquisard. Puis quand que le Maquisard a fermé, ben, j'ai arrêté d'y aller. Mais là, demain, je recommence. It's back! C'est fait! Oh, oui! Ouais. J'ai vraiment hâte. Super. J'adore. Ben, bon match. Si. Bonne partie. Alors, je suggère à ben du bon d'y aller. C'est vrai que ça va être plaisant. Ouais, c'est vraiment drôle. Je pense que ça va être le cas. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. On en parle beaucoup. J'en entends souvent parler. Donc, la Ligue d'impro mauricienne, c'est bien ça. Ouais. La LIM. Bon. La LIM, oui. Alexandre Gaultier joue là-dedans. Et plein d'animateurs de C'est fou. Il y a les frères Chalet Johnson là-dedans. Oui. C'est bien ça. Fait que, hein? Tout à fait. Alexandre Dosti. Oui. Je sais pas si vous le connaissez. Oui. Il est animé ici aussi. Ah, j'aurais pu faire mon plat favori avec ça. Je vais le mettre la semaine prochaine. Quelque chose qui a rapport avec Alexandre Dosti qui fait des vidéoclips complètement fous. Oui, Sainte-Cécile. C'est exactement là-dessus que je vais parler la semaine prochaine. J'ai voilà, hâte, j'ai fait. Hâte. Il va falloir que j'y regarde parce que j'arrête pas de repousser ça plus tard. J'en reviens pas. C'est tellement bon, là. Ça va être ma mission de les regarder avant ta chronique. Ah oui, ça vaut la peine. Bon, maintenant, c'est mon dessert. François-Olivier. Stéphanie, ah oui, on est prêt. On descend. C'est la réédition du CD Of the Blue Color of the Sky de OK Go, l'Extra Nice Edition, qui sort aujourd'hui même. Il était disponible en précommande depuis quelques temps, quand même, depuis quelques jours. Et ce qui était le fun, c'est que tu pouvais acheter sur okgo.net, précommander le CD en tant que tel. C'est deux CD. Tu peux précommander ça. Et il donnait l'accès à une database, une base de données, avec le CD 1 en zip MP3. Et en attendant que tu le reçois. Exactement. Et un CD de 12 remixes. Donc, il donnait ça directement quand tu précommandais. Et à partir du 2 novembre, qui était... en fait, c'est ça, ça sortait pas aujourd'hui, ça sortait mardi dernier. J'ai juste eu le temps d'écouter cette semaine. En tout cas, bref, peu importe. Aussitôt que le 2 novembre, t'es arrivé, t'avais l'accès au deuxième disque, qui est rempli de démos. Donc, des chansons que tu reconnaîtras pas, ben, parce que c'est la même musique, mais pas les mêmes paroles, ou les mêmes paroles, mais pas, tu sais, c'est comme... C'était avant. Oui. C'est ça, avant qu'ils peaufinent leurs affaires. Il y a aussi une entrevue complète avec un animateur de NPR aux États-Unis, Ira Glass, un très bon animateur de radio, donc une entrevue super intéressante. Puis il y a des remixes, il y a plein d'affaires, il y a vraiment plein d'affaires sur ce deuxième CD-là. Donc, je vais vous faire entendre quelques extraits. Tu l'as commandé, oui? Ça, je l'ai précommandé, oui. Mais sérieusement, pour 15$, OK, 15$, t'as le CD original, coûte à peu près ça. Le deuxième CD rempli de 1 heure et plus, là, ça arrive là, sur le border d'un CD. Là, ça défonce quasiment. 73 minutes. Genre, c'est fou furieux. Et puis le troisième CD de remix, c'est 12 remix de 4 chansons. T'as comme 4 chansons originales du CD plus les 12 remix de ces 4 chansons-là. Donc 16 piastres sur le troisième CD quand même. Ça, va, ouais, ça pour 15 piastres, sérieux. Pas cher. Vraiment pas cher. Donc, je vous fais entendre la version Bristol version de la pièce Skyscrapers à l'instant dans Assemblage Requis. C'est le dessert de Mathieu. Hein? Dessert, petite cuillère. C'est sucré à souhait. C'est sucré. Caramel. was pretty, but it seemed there was no other way. And I guess all I ever loved was standing right before my eyes. And I was blind. Kego et la pièce Skyscrapers Bristol Version, c'est la pièce qui ouvre le CD bonus de Of the Blue Color of the Sky Extra Nice Edition. Stéphanie, est-ce que tu as aimé la version plus lugubre et maison hantée? Oui, elle est super bonne. J'ai hâte d'écouter ça au complet. Tu vas voir, c'est génial d'écouter ça en boucle, le deuxième CD surtout. Le premier, on l'avait tous écouté en boucle, les fans d'OK Go. J'ai envie de te faire entendre un extrait, c'est le plus court de la gang et c'est en même temps mon préféré. Ce que j'aime, c'est comme le seul désavantage de l'Extra Nice Edition de ce CD-là, c'est que pour faire entrer tout le matériel et l'entrevue et les démos et les remixes, ils ont pris les démos et ils ont enlevé des bouts. Ils ont enlevé comme la fin de la pièce. Donc, t'as l'essentiel de la pièce, les quelques couplets puis le refrain, mais ils coupent après ça pour pas te laisser entendre le reste parce que ça n'aurait pas rentré dans le CD. Donc, celle qui est la plus courte et la plus coupée et selon moi la meilleure, malheureusement, c'est la version démo de All Is Not Lost. Oui. Elle s'appelle You Will Lose et tu me diras ce que tu en penses. Ça sonne très, très, très différent de ce qu'on est habitué avec OK Go. C'est très, très, très différent. Et ça coupe sec comme ça sur le CD. Donc, je trouve ça un petit peu décevant qu'il n'y ait pas. Même, tu sais, vu que, comme je disais tout à l'heure, ils proposent de télécharger les deux CD, même les trois CD au complet sur Internet, je me disais que peut-être que dans la version MP3, il aurait pu mettre les versions des démos au complet. Tant qu'à faire, tu sais. Mais bon, je peux comprendre. Peut-être que c'est tout ce qu'ils ont. Peut-être que c'est tout ce qu'on produit de cette pièce-là. C'était vraiment juste un démo comme ça. Je sais pas. On ne saura jamais. Bref, Out of the Blue Color of the Sky, Extra Nice Edition de la formation OK Go. C'était mon dessert dans ta chronique, ton plafond. Et ils sortent un vidéoclip. Oui, ils sortent un vidéoclip pour Last Leaf, la pièce qui fait tomber ses dames. Ah oui. On se rappelle, on avait parlé ici à Assemblage Requis, lors du spectacle d'OK Go au National, Damien Koulash, le chanteur, était descendu dans la salle avec sa guitare sur un petit box, s'était mis debout dessus, et puis il avait chanté Last Leaf, une pièce super romantique, dans la face des jeunes filles, et à mi-chemin de la chanson, s'est reviré de bord pour chanter à l'autre partie de la salle, il est-tu pas gentil? Et nous autres, on était juste entre les deux, fait qu'on a vu les deux côtés. Ces deux épaules, ces deux magnifiques épaules. Hein? Ah oui, magnifique. Ah, toutes les filles que je connais qui étaient là, c'est-à-dire les trois filles avec qui je te l'ai. Hein? Trip des bubules, ils veulent se marier avec, faire des enfants avec. Oh oui. Bien, bien. Mais ce qui est drôle, c'est que ta blonde est dans ces trois filles-là. Ouais, mais c'est... Hein, ça a-tu déjà empêché les filles, ça? Hein? Nous autres, par exemple, moi, là, je vois ma blonde, ou pas ma blonde, en fait, Émilie Gauthier, qu'on va savoir tantôt, écrire sur une photo un petit cœur, genre à Damien, ça marque des petits cœurs en dessous des photos. Un gars qui ferait ça, qui allait sur une page d'une vedette ou n'importe quoi, mettait des petits cœurs dessus, il se le ferait-tu dire par sa blonde, rien qu'un peu? Sérieusement, sérieusement. Mais les filles, eux autres, oh, mes petits cœurs, je l'aime, je ferai des enfants. Mais oui, c'est ça. On peut-tu dire ça, nous autres, qu'on fait des enfants à la chanteuse de Paramore, mettons? Hein? Non, j'avoue que les filles peuvent s'en permettre un peu plus. Mais dans le sens aussi, tu sais, leurs amis, ils tiennent leur main, tu sais, puis tu vois... ils vont aux toilettes ensemble, ça poudrait le nez. Non, mais c'est vrai. Puis dans les bars, en fait, tu vois souvent, fréquemment, des filles s'embrasser. Ah, t'as vu ça, toi? Ben, j'ai pas vu ça. Ben, c'est parce que tu sors pas de chez vous, Mathieu. Ça. Ouais, sûrement. Mais plus souvent que des hommes, sincèrement, ça arrive. Ah oui, bon. Ben, Steph, tu peux... Tu me diras où aller. Oui. Ben non, mais tu vois... Ben, vrai. N'importe où. Non, ben, n'importe où. Où n'importe que, où, où les filles sont mineures. Ouais, ben pas bien, bien. Là. OK. Bon, à savoir. c'était ton plat favori. Je pense que ça va être la fin de cette parenthèse-là. Hein? Oh, ouais, parler de filles qui s'embrassent. On pourrait continuer longtemps. On ouais, mais on est dans ma chronique. Fait que moi, j'ai autorité. Je dis stop. Okay. On parle pas de filles qui s'embrassent. Bon. Ben merci Stéphanie, on te retrouve la semaine prochaine mardi à 8h 7h30, 7h30 parce qu'il commence à être temps. 7h30 pour une autre chronique ton plat favori. Oui. Et tu veux inviter une de tes amies là? Ouais, petite session embrassade. Non. on te retrouve aussi les lundis dans Take Me Out, ta chronique de sortie spectacle et à l'émission Une pebèche en mission les mercredis, les jeudis à 17h, on appelle les peu importe le jour à insérer une heure précise ici. Ça a changé de place, hein. Ouais, tout a changé un peu là. Vous pouvez visiter par exemple le www.cfou.ca. Oui. Toute la programmation est là, nouveau site internet d'ailleurs que on peut le dire, on se le cachera pas, il est beau. Ah ouais? Ok, j'ai pas encore entendu de commentaires positifs sur le site, sérieux. T'es sérieux? Ah après non? Une semaine en ligne, donc je les attends, mais je veux pas pousser les gens à me complimenter pour rien, là, si vous l'aimez pas, ce carré aussi. Mais je pense que Maxime Lemieux, l'armée, allait l'encenser. Il est peut-être un petit peu dur à lire, c'est ce que j'ai. Je vais faire des changements. C'est, ah c'est, ouais, c'est en reconstruction, tu sais. Je trouve pas. C'est une phase de reconstruction. Je trouve pas. Ouais. Okay. Bref, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tout à l'heure avec, ben, tu le disais, Maxime Lemieux-Armé qui va être avec nous pour sa chronique. Télécharge quoi? Exactement. Il va nous parler entre autres de Hub Montreal. Il va nous dire comment s'habiller aussi, j'ai entendu. Ah oh ouais. Ouais. Ben c'est beau quand même sa chemise orange, mais je trouve qu'orange et gris, ça va très bien ensemble. T'sais? C'est vraiment beau. Pour vrai. Bravo, Mathieu. Quoi? Je peux pas te complimenter sur. Ok, bon, ok, on est des gars, on est dans une c'est salle. Ça. C'est ça, non, tu connais. On peut pas ça faire ça. On brassera pas. Ok. Bon, ben en tout cas, je vais garder ça pour mes rêves. Pour mon moral, j'en prends l'or. C'est fou ça. 89.1. Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage Requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Et maintenant, François, c'est le temps de télécommander un vaisseau spatial. C'est ça que tu voulais dire? Exactement. Télécharger. 376 vaisseaux, 15 minutes, c'est gratuit, genre. 30 minutes. 30 minutes, OK. Je sais pas c'est où que je lisais ça, il y avait c'est Boston Pizza je pense qui sont rendus genre si vous êtes pas servi en dedans de 15 ou 30 minutes ouais. C'est gratuit. Ouais, je l'ai vu, ben j'ai vu un panneau publicitaire. C'est ça moi aussi. Hey, ça va faire le chiard ça. C'est contestable ça. Ouais, c'est 15 minutes à partir de quand, à partir du moment que t'appelles. Non mais je pense que c'est Plus c'est... sur moi je pense que c'est sur place, ouais, c'est sur place aussi. Ah c'est sur place. Ouais. Ouais. Fait que j'imagine que les filles ont un chronomètre dans le cou, je sais pas trop quoi. Parce que Mike ça a fait ça, Mike ça a fait 30 minutes on livre chez vous, c'est gratuit. Ça mais... a fait patate frites ça. Ben c'est ça non mais ça a pas fait terriblement long, fait que d'après moi il s'est passé beaucoup de mais peut-être que le monde a changé depuis. Peut-être. Donc Maxime le meilleur ami, ouais, ma chronique a commencé là. Ben on fait tout le temps ça à Star, c'est rendu notre méthode de fonctionner, si on déraille sur n'importe quoi avant de commencer la chronique, ça fait divertir. J'ai même pas dit bonjour mes deux magiciens préférés. Hey, magie. Donc Maxime le meilleur ami qui est avec nous pour Télécharge quoi où il nous présente ses découvertes musicales du moment. Ouais. Aujourd'hui trois choix comme toujours. Hein. Ouais, comme toujours trois choix. Alors débutons, entamons, let's go. C'est ça, j'ai décidé de parler de Of Montreal. Moi, j'avais vraiment trippé sur l'album Hissing Fauna Are You the Destroyer de 2007. Okay. Il y a eu un autre album en 2008, Skeletal Lamping, qui avait été sur le palmarès, hein, si je me souviens. Oui. Puis, récemment, il y a False Priest qui est sorti, que j'ai à peine écouté, en fait, que j'écoute depuis peut-être 2-3 jours. Sorti mi-septembre, ça, 14 septembre. C'est pas mal borderline mi-septembre, oui. Parce qu'il y a 30 jours au mois de septembre. Ah, donc, il fallait c'est que ça. Ce soit le 15. C'est... Mais bon, on n'est pas ici pour calculer. Mais mettons que tu l'as acheté le 15. Ah, c'est ça. C'est bon. Donc, c'est ça, moi, j'avais découvert Of Montreal comme ça un peu par hasard avec l'album de 2007. Mais là, j'ai vraiment trippé sur un album cet été de Janelle Monáe. Et puis, il y avait des collaborations avec le chanteur Kevin Barnes. Et puis là, ben, ils ont fait un peu... Janelle Monáe, c'est la spéciale qui pleure dans son clip, ça. Hein? Je sais pas. Ah, mais vraiment, c'est spécial comme clip, je trouve. Je suis pas à jour dans les vidéoclips, moi. Il faudrait que tu vérifies. Ouais. Ça va être ta mission. Okay. Et puis, c'est ça, j'avais écouté son album que j'avais vraiment aimé. Puis Kevin Barnes, c'est comme deux styles un peu différents. Kevin Barnes est quand même très éclectique comme chanteur. Puis Of Montreal aussi, c'est très expérimental. Donc, j'avais aimé le duo, la collaboration. Puis là, ils ont fait un peu le contraire. Alors, c'est Janelle Monáe qui, sur l'album de Of Montreal, vient faire des collabos. C'est la pièce Cold War où on la voit. C'est comme un plan fixé sur sa tête à partir de ses sourcils, juste un petit peu en haut de ses sourcils, jusqu'à en dessous de son menton à peine. Okay. Et puis, elle est là, filmée devant la caméra. Et puis, c'est de l'émotion, là, de l'émotion pure. Elle pleure, elle rit. Elle fait tout. J'irai voir ça, Janelle Monáe avec Cold War sur YouTube. Elle se lèche les lèvres en plus de neuf, c'est vendeur. Elle a l'air d'un conehead. Ouais, c'est vrai, avec sa coupe de cheveux. Chauve. Ouais. En tout cas, bref. Donc, la pièce de Of Montreal que j'ai choisie, c'est Coquette, Coquette. Coquette, Coquette, c'est la pièce qui était sur le palmarès jusqu'à très récemment. Ça a quitté la semaine passée. C'est parti. Ouais. Que c'est la pièce que j'aime le plus jusqu'à présent de l'album. Tu nous en suggéreras une autre si tu veux qu'on la mette. Hein? Mm-hmm. OK. Je ferai mes recherches, puis je passe le message. Alors, Of Montreal, False Priest. Coquette, coquette. Coquette. Shit, I don't think I have a language to say. typical of my cooker, you're Herculean, you are so miserable. C'était Coquette Coquette de Of Montreal, groupe qui ne vient pas de Montréal. Étrange, hein? Ça vient d'où? Ça vient de Athènes, pas en Grèce, mais... En Géorgie? En Géorgie. Wow! Mais pas Géorgie le pays, Géorgie l'État. des États-Unis. Wow! Bon, ben, on en a dit des affaires. Ben oui, ça c'était donc notre premier extrait. Il nous en reste deux dans ta chronique télécharge, quoi? Ouais, alors Radio Department, Dept... qu'on peut dire department. Je pense qu'on devrait, oui. Je pense qu'on devrait. Alors, c'est ça, en fait, j'ai décidé de vous parler de Radio Department parce que ils sortent comme un best-of de leur, leur greatest hits. Comment je pourrais c'est dire ça en anglophone. Un meilleur de leur grand succès. C'est pas mieux. Une collection grand succès. Ouais, une collection grand classic succès. Gold hits. Puis c'est ça. Ça sonne bien. Ouais, merci. C'est quand même drôle parce qu'ils ont trois albums. C'est pas assez pour faire un best-of, ben, hein. Mais en tout cas, alors... Quoique, il y a plein de groupes dans le passé qui ont fait des albums best-of avec peu de matériel. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On leur permet. Alors, j'ai choisi une pièce qui est issue de leur plus récent album, Clinging to a Scheme. C'est la pièce Heavens on Fire. Donc, moi, c'est ça, j'écoute ça. L'album est sorti. Cet album-là, Clinging to a Scheme, est sorti le 21 avril. Le best-of va sortir prochainement. Et puis, j'apprends à le découvrir, puis j'aime ça de plus en plus. Alors, Radio Department, que je suggère à tous les gens qui nous écoutent et les gens qui nous écoutent pas aussi. Puis à Mathieu. Merci. Tu penses à moi, en plus. Moi, je t'écoute, en tout cas. Fait que... C'est pas le choix. Monopolized by big business. What are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. Alors, c'était Heavens on Fire de Radio Department. Bravo pour le choix. Ouais, c'était pop, c'était cool. Mm-hmm. Puis c'est ça que j'écoute ces temps-ci. Donc, dernier artiste que je présente aujourd'hui. Que je présente aujourd'hui avant de quitter pour aller travailler. OK. On peut prendre un café, peut-être, non? Non, le café, c'est déjà c'est fini? C'est fini, le café. Plus jamais. Alors, c'est ça, c'est How to Dress Well, groupe que j'ai découvert par l'entremise d'un ami, mais qui les a découverts grâce à Pitchfork. Ils ont une super bonne critique sur Pitchfork. Puis ça, je le suggère à tout le monde, Pitchfork, là. Ouais. Faut trier, par exemple, sérieusement. Ils disent, des fois, les avis qu'ils donnent sur Pitchfork. Ouais. Mais tu sais, si... Moi, des fois, j'ai des phases, là, j'ai le goût de découvrir de la musique, ouais. Puis... je fais juste voir les... comment qu'ils appellent ça? Ben, l'onglet s'appelle Best New Music. Là. Okay. Tu peux la traduire. Le meilleur de la nouvelle musique? Alors, c'est vraiment les meilleurs albums, oui. Qu'ils ont critiqué eux autres. Et puis... C'est seulement indie, c'est ça l'affaire. C'est quand tu veux découvrir des affaires, mettons, sur iTunes, ouais. tu vas dans leur choix, leur nouveauté, eux autres aussi, ils ont comme une section à découvrir. Ouais. C'est mélangé entre Katy Perry puis des affaires que nous, on aime. Alors que Pitchfork, c'est pas mal seulement... de l'alternatif qui est dans nos cordes, mettons. Ouais, ben c'est vrai, ça c'est vrai. Mais il y a quand même, des fois, il y a du hip-hop. MIA, des affaires comme ça. Ouais, ouais. Non, il y a pas juste de la musique alternative. OK, ouais, c'est ça, mais pas alternative dans le sens de musique alternative, mais alternative plus dans le sens... indépendante. C'est ça, indépendant. Ouais. Indé, qu'ils disent ouais, en français. Indé, indé. Ils disent ça de même. Indé. Aïtou, ils disent indé. Étrange. C'est vrai. Donc, ouais, moi, je suggère, si vous voulez découvrir de la nouvelle musique, Pitchfork, là, c'est the best. Yeah! Alors, je continue sur ma lancée. How to Dress Well, la pièce que j'ai choisie, c'est You Won't Need Me Where I'm Going. Alors, on va aller écouter ça tout de suite, à l'instant. C'est sur leur album Love Remains. En fait, c'est un artiste solo, mais je dis... C'est How to Dress Well. OK. Love Remains. Oh, oui. You Won't Need Me Where I'm Going, hein? Exactement. Pas besoin de moi. Où je m'en vais. Où c'est que je m'en vais. Où c'est que je m'en vais. Indé. Assemblage requis. C'est tous les mots qu'on a dit. C'est comme un résumé. Girl. Ça, je pense que c'est le genre de musique qu'il faut s'acclimater avec le temps. Hein. Ouais. Ou que t'écoutes pendant que tu lis, ou pendant que t'étudies, ou pendant que tu travailles. Ou tu prends un bain. Ou pendant que tu... Ouais. Tu un fais tremper les pieds dans un petit bain pour tu pieds. Tu fais tremper les pieds. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu mets de l'eau chaude pour tes bains de pieds ou de l'eau tiède? Je prends pas le temps. Je suis vraiment paresseux. J'ai de la misère. Moi non plus, j'en fais jamais. Faut que je le fasse. Ça existe avec des poissons, là. Ils viennent te... Bain de pieds. Oui, avec les... comme des collants, comme des genre des sangsues. Ouais. C'est un peu dégueu, ça. Ouais, c'est ça. Ça va faire. Donc, c'était le troisième choix de Maxime Lemularamé dans Télécharge quoi? On parle de How to Dress Well. Ouais. C'est ça. C'est tout? Ça fait le tour? Ouais, ça fait le tour. Déjà? Ça fait déjà le tour. Quel beau moment. Ouais. Alors, la semaine prochaine, là, en fait, hier, je suis venu emprunter un CD. Là. Ah ouais? Panache. Est-ce que tu l'as écrit sur le cartable? Là? Il y a un cartable pour... Non, je suis venu le porter tout de suite après. OK. Wow. Ouais. T'es un gars fiable. Ouais. Donc, c'est ça. Je vais écouter Panache. C'est un groupe francophone québécois. Puis je vais peut-être en reparler si je trippe. Peut-être pas. Le dîner con a aimé ça. Ah, bon, tu vois. Ça, c'est très des pièces très très courtes, très très catchy, très fesses dans la descente du coude, genre. OK. Ouais. Bon. Ouais. Je me mets là-dessus puis je vous en reparle la semaine prochaine. Magnifique. Ciao. Ciao, Maxime. On te retrouve donc, c'est quand? C'est mardi prochain? Ouais, exactement. Ouais. 8h. Tout à fait. 8h. Ouais. On va laisser ton vaisseau s'en arriver. Hein? OK. Adieu. C'est-tu mon vaisseau, ça? Ben, mettons que le début était disco, un petit peu plus vaisseau. Attends, mettons, on dit « Ah, le vaisseau, est-ce un vaisseau, est-ce Superman? » OK. Ça a plus de sens. Ouais. Ça, c'est mon vaisseau. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. François, qu'est-ce qui s'en vient après la pause? Émilie Gauthier. Oh. Oui, après la pause. Ben oui, certainement. Ben oui. Tout à fait. Certainement, mais ça... C'est fou ça, 89.1. Assemblage Requis est une présentation de la Banque Nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis sur C'est fou. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Il nous reste environ une demi-heure. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Toujours à l'antenne du 89.1 FM. Le C'est fou! KKFM! On va parler de choses drôles, de faits inutiles à savoir, mais en même temps, c'est éducatif pareil. C'est comme la portion éducative de l'émission. Tout à fait. C'est agréable, cette petite affaire-là. Cette petite bête-là, poilue. Ah, c'est belle fun. Voici, c'est un fait. You can smell the sarcasm, je trouve, dans ta voix. Ça, là, ça sonnait comme la lutte. You can smell what the... Can you smell what the rock is cooking? C'est que... OK, donc, commençons avec notre premier fait. Pourquoi pas? Ça te tente-tu? On commence, là? Ouais. Ouais, on parlait récemment, vous savez que c'est le Movember où on se fait pousser la moustache, toute l'équipe de C'est fou. Tout à fait. Et là, on parlait du trou entre le nez et la lèvre. Ah, t'as trouvé le nom, là? Oui, c'est le philtrum. Le filtrum, l'endroit, le sommet de votre lèvre supérieure, l'indentation. Juste l'indentation, pas l'espace au complet de la moustache, là, juste le trou du milieu. Le Hitler, si on veut. Le Hitler. Sais-tu que le mois d'octobre, à l'origine, était le 8e mois de l'année? Non. Ça veut dire ça? Ben oui, c'est le calendrier romain sur lequel notre calendrier moderne est basé. Avait seulement 304 jours et contenait seulement 10 mois. Les 6 derniers mois s'appelaient Quintilis, Sextilis, September, October, November et December. Ça venait des mots latins pour les chiffres 5 à 10. Quintilis, Sextilis, etc. Quand même, hein? Quintilis et Sextilis ont plus tard été renommés juillet et août, mais les mois qui portent leur nom maintenant, donc dans le fond, juillet et août, sont basés sur Julius Caesar, hein, Jules César, et Augustus Caesar. Il n'était pas encore né à ce moment-là, donc c'était pour ça qu'il s'appelait comme ça. Les autres avaient des raisons d'être, mais ces gens-là n'existaient pas encore. Bon. Est-ce qu'on se comprend? Oui, on a de la misère, là, mais... Ouais. Ça, non, c'est pas en tout cas, pendant le règne de Numa Pompilius, l'empereur. Numa Pompilius, l'empereur. C'est un empereur qui a choisi d'ajouter les mois de janvier et février au début du calendrier, ce qui a donc fait un calendrier de 355 jours. Donc, ça a augmenté après ça encore une fois. C'est du jour. Ben oui. En tout cas, pas pire. Pas pire. Savais-tu que l'emballage à bulles a été inventé par accident? Non, justement pas. En 1975, Alfred Fielding et Mark Chavanis essayaient d'inventer un papier peint de plastique avec un arrière de papier. Donc, un genre de papier peint, là. Wallpaper, si on veut. Une tapisserie, comprends-tu? Une tapisserie. Donc, la paire d'ingénieurs a travaillé dans un garage de Hawthorne, New Jersey. Mais à l'ultime, à la fin, ils ont raté complètement leur aventure. Par contre, le duo a réalisé qu'avec ce processus-là, ils pouvaient faire du matériel d'emballage. Et donc, voilà, le bubble wrap est né. Aujourd'hui, leur compagnie de manufacture de matériaux, Sealed Air Corporation, fait des revenus de 3 milliards de dollars par année. Les sacrifices. C'est vraiment bien pour eux. En 1916, la température dans le Montana a descendu de 100 degrés en une seule journée. C'était le 23 janvier 1916. Un gros front froid est passé à travers Browning, au Montana, bien sûr. A descendu la température de 44 degrés Fahrenheit à moins 56 degrés Fahrenheit en une période de 24 heures. C'est une chute de 100 degrés qui a encore le record comme la chute de température la plus drastique que sur une période d'une journée dans toute l'histoire des États-Unis. Vous pouvez en apprendre plus sur ces faits-là sur assemblagerequis.com. Il y a un top 10 des affaires de météo les plus impressionnantes dans le Montana. Quand même. C'est quand même précis, je trouve. Ben oui, tout à fait. Savais-tu que Tom et Jerry, à l'origine, devait s'appeler Jasper et Jinx? Jasper et Jinx! C'est pas non, tout aussi bordel. Non. Savais-tu qu'à Hong Kong, ils ont des bouteilles de Coke qui se refroidissent et se congèlent par elles-mêmes, d'elles-mêmes? Oh, ouais. C'est vraiment incroyable. Va voir sur assemblagerequis.com. Dans l'article, il y a une vidéo. Si tu cliques sur « C'est un fait », il y a une belle petite en tête pour « C'est un fait ». Allez voir sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission du mardi 9 novembre 2010. Je vous dis la date parce que hein, c'est quand même important, ça. Donc, Hong Kong, ça refroidit de l'intérieur quand tu ouvres le bouchon. Donc, tu le prends dans la machine distributrice, tu ouvres le bouchon, et là, il y a comme une procédure à faire. Il y a des étapes écrites sur la machine. Il faut, entre autres, virer la bouteille à l'envers à un moment donné. En tout cas, bref, pas besoin d'ajouter de glace. Ça se refroidit. Il y a même une drôle de publicité que vous pouvez cliquer. Non seulement il y a la vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com, mais aussi une vidéo, une publicité pour ces bouteilles-là. Et j'imagine, vu que là, c'est au Japon, j'imagine aussi, tu sais, c'est Coors Light? Que la petite fenêtre froide sur le côté. C'est des affaires qui commencent ailleurs, puis à un moment donné, ça sera au Québec. C'est où? L'article s'appelle Hong Kong as Self-Freezing okay. Coke Bottle. Parfait, je l'ai trouvé. Sur assemblagerequis.com. Ben, il faut le dire, t'as raison, pour les auditeurs, c'est une bonne idée. On va continuer avec d'autres faits dans C'est un fait, comme toujours. Savais-tu que la lavande et la menthe poivrée sont comme de l'herbe à chat, mais pour les lions? C'est étrange, hein, mais la lavande et la menthe poivrée, ce qu'on appelle la peppermint, relaxent et calment les humains. Ça, c'est vrai. Pour les lions, par contre, ça les rend excités et stimulés. Les gardiens du zoo de Paynton Zoo ont ajouté de la menthe poivrée et de la lavande à un sac de paille. Donc, ils ont donné le sac de paille au lion, à une lionne. Ben, une lionne femelle, je pense que c'est un petit peu redondant. Nommée Hindu, elle a commencé à lécher le sac de paille et à poser sa tête dessus et à être vraiment très, très excitée, un peu comme un chat avec du catnip, là, l'herbe à chat. Comment t'appelles ça, l'herbe à chat, toi? L'herbe à chat? Ouais, l'herbe à chat. Je pense pas que ça... Ben, c'est ça. Il appelle ça catnip en anglais. Je sais pas trop pourquoi. Ah. Bref. Savais-tu que Popeye a 4 neveux? Il s'appelle Pipaille, Poupaille et Poupaille. Oui, Poupaille, comme caca. Poupaille. Donc, Pipaille. Les prononciations sont pareilles, mais les lettres changent. Savais-tu que la plupart des boissons gazeuses ont un niveau de pH plus élevé que la pluie... comment t'appelles ça? De la pluie acide? Acid rain, là. Pluie acide... juif acidique, genre. oui, l'exposition à ce genre d'acide-là peut faire que votre émail de vos dents va s'enlever tranquillement, ce qui va exposer vos dents. Et ça pourrait faire mal éventuellement. Et là, tu pensais peut-être que boire une boisson diète serait mieux, mais en fin de compte, non, l'acide est pareil dans les boissons diètes que dans les boissons non diètes. Par contre, si on prend ça en général, les colas sont plus acides que les autres non-colas. Par exemple, le RC Cola a un niveau de pH de 2,387. La Root Beer a le moins d'acide à l'intérieur avec un niveau de pH de 4,038. Il y a une liste complète des différents niveaux d'acide dans des boissons gazeuses sur assemblagerequis.com, évidemment. La pluie acide, appelons-la comme ça, a un pH de 5 et 5,5. Donc, c'est normalement moins acide que les boissons gazeuses. Là, les chiffres ont l'air plus élevés, mais j'imagine que plus le chiffre est haut, moins c'est acide. Là. Je pense qu'on peut s'entendre. Bon, ouais. Il nous en reste deux derniers. On va terminer presque avec Sony. Leur premier produit à Sony, c'était une machine pour faire du riz. Comment t'appelles ça, une machine pour faire du riz? Une rizière, mettons, appelons ça de même. Donc, rizière, c'est pas le chien, ça? Ça se peut très bien, ouais. Mais j'invente des mots ici. Donc, le fondateur de Sony, faut pas tout croire. Masaru Ibuka a commencé à vouloir fabriquer des produits électroniques parce que l'électricité au Japon après la guerre était vraiment pas chère. Donc, les usines n'arrêtaient pas de fermer, les usines de guerre après ça. Donc, il y avait plus d'électricité qui était produite que ce qu'on avait besoin. Donc, le premier produit de Ibuka, était une machine à faire du riz électrique qui avait une tendance de faire trop cuire ou pas assez cuire le riz. Donc, on dit que c'était une machine à faire du riz défectueuse. C'était le premier produit que Sony a inventé. Intéressant, je trouve. Et on va terminer avec mon préféré. Savais-tu que la trompe d'un éléphant a plus de 40 000 muscles? T'as pas le droit de quand même? 40 000! Une trompe! Il y a du contrôle là-dedans? Il y a du contrôle là-dedans. Écoute, non, mais il y a de la force. Puis j'imagine que c'est tellement gros, un éléphant, que... Écoute, je pense que tu te trompes pas en disant ça. Non. Trompe. Non? Mais... Ouais. Bon. Ouais, mettons que moi. Fait que c'est comme genre. 8h40 à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Émilie Gauthier qui vient d'arriver. Et tout à l'heure, elle va nous faire une chronique. Veux-tu sortir avec moi? Elle va nous demander avec sûrement une voix plus plaisante que ça, par contre. J'imagine. mais pour l'instant, on va retourner en musique. On va entendre une pièce de Flight of the Conchords. Oh, Mathieu doit être content, hein? Oh oui, on ressort les bons vieux Flight of the Conchords avec leur musique. Too many... Non, c'est pas celle-là? Est-ce que tu veux entendre Too Many Dicks? Non, mais vas-y, moi je veux te gâter. Je ne veux que te gâter dans la vie, c'est un peu mon but. Je sais pas si t'avais vu depuis le début de la session. En fait, j'ai pas fait grand-chose pour te plaire. Je me force pas assez. C'est quoi t'es-tu en train de dire que je me force pas assez, c'est ça? Ouais. Alors ça, tu fasses des efforts, Mathieu. Pas facile. Dans la relation, faut faire des efforts des deux bords. Hein? Pas le choix. Yes. En tout cas. On parle plein air juste après. Going to the party, sipping on Bacardi. Wanna meet a hottie, but there's Adam's even Marty. There's Billy, Todd, and Tommy. They're on the front of the only booze I'll see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor Rojo ratio 5-1 is a rodeo. Tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night till 5:20. Dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better odds, more broad flesh rods. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, too many men, too many men. Song. Too many dicks on the too many

merci. T'as un cœur grand, grand, grand. Je sais, je pense à tout le monde, moi. Tout le monde est inclus, c'est comme une communauté. Autant pour petite madame qui veut prendre une marche que pour personne qui n'a pas le temps d'aller en randonnée. C'est merveilleux. That's fantastic. Fantastic. Merci beaucoup, Émilie Gauthier. Ça fait plaisir. On te retrouve mardi prochain à 8h30 à Assemblage Requis. On prend le temps d'écouter Jérôme Minière avec sa pièce Des pieds et des mains. Et puis on revient avec la conclusion de l'émission. Vous êtes assez fou, 89.1 FM. Quand nous aurons tout avalé, tout consommé, tout consumé, quand nous aurons tout englouti, comme des fourmis sur un fruit, il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour où de la planète il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes à travers. Avaler, tout consommer, tout consumer, nous devrions nous réveiller de ce rêve malsain qui nous tient. Il ne restera que nos corps, nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera des pieds et des mains, des grimaces sans beauté. Il ne restera que nos corps, nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera les dauphins se mettent à crier, c'est que c'est la fin d'Assemblage Requis. Hein? Hein? C'est pas wow! On dirait des dauphins, je trouve. Oui. Mais ça se peut que ça soit ça. Peut-être même qu'il en parle dans la chanson, puis on n'a pas écouté les paroles. Hein? Tout à fait. C'est ça qui arrive souvent. C'est la fin d'Assemblage Requis pour une autre déjà journée. Ben oui, on va se retrouver demain, par contre. Demain, on reçoit Yann Martel du service aux étudiants qui va venir nous parler de la journée carrière en enseignement. Super. Oui. On devrait avoir Kiwan aussi, Kiwan en cavale, en direct de l'Alberta. Par téléphone. Et puis, on va recevoir Vincent Gauthier aussi, journaliste des sports au Journal de Québec. Ah, tu m'en avais parlé de ça. C'est là, oui. C'est demain, ça. C'est demain, vers les 8h15. D'accord. Ça va être une grosse journée encore demain. Pour faire changement le mercredi, c'est rare que c'est rempli. Restez sur nos ondes. La semaine dernière, c'était rempli pas. Oui, tout à fait. Donc, on change ça. On change les affaires. On révolutionne le monde. Restez sur nos ondes tout à l'heure à 9h, juste après les nouvelles de Radio-Canada. Ça va être Stéphanie Boilard avec son émission Le Soleil, lui, pour tout le monde. Ça va être très bon, ça. Elle nous présente des artistes de Bernard long et en large. Bernard Adamus aujourd'hui, c'est, ouais, vrai. C'est ça. Bon point. Restez là après ça pour le dîner de con à 11h. Et puis, on a changé les émissions en après-midi. Donc, si vous avez raté le voyage insolite hier, ça joue à 13h. Puis, à 15h, il y a une pêche en mission de jeudi dernier. Après ça, tes amis, on se la joue. ça joue, oui. Ça commence à 16h, puis 6 degrés à 17h. Donc, soyez là pour ça. Et puis, il y a les mardis rock metal avec rock révélé et réanimation en soirée. Bon, tout à fait. Bonne journée. On se quitte. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. On se retrouve demain matin, 7h. François, passe une belle journée. Toi aussi, Mathieu. Vous aussi, les requins. Amusez-vous. Pataugez comme des dauphins. Je sais que des fois, les requins voudraient être des dauphins. Et reposez-vous. Et si vous avez le temps, jouez à Call of Duty qui sort aujourd'hui même. Tu penses que le monde... Ah, ils vont sûrement acheter la version basic cheapo, là. Ça se joue bien, ça. Moi, je pense que je vais attendre. Ouais. Ouais. Tu veux la version deluxe? Je pense que oui. Ouais. Je suis bébé comme ça. À demain, François. Salut. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.